بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ونواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح ضرر البهية للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. Donc nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariyya, l'explication de Dhuraru Al-Bahiyya de l'imam Ash-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes sur l'explication de Cheikh Ali Ramli. Et Bismillah, aujourd'hui nous allons continuer dans le sujet de la zakat des hayawan, des bestiaux. Et nous allons revenir sur ce que nous avons vu la semaine passée, car il y a eu un problème au niveau de l'enregistrement. Donc, ce qui a été une cause de la non-publication de l'audio. Donc, vu qu'il y a beaucoup de frères qui suivent cela aussi à distance, donc nous avons jugé bon de reprendre ce que nous avons fait la semaine passée. Voyez. Donc, nous avons déjà vu la zakat de Al-Ghanam, c'est-à-dire les moutons et les chèvres. Et qu'est-ce que nous avons dit de Nisab au niveau de Ghanam? Non, c'est 40 moutons ou 40 chèvres ou mélangés. Donc jusqu'à combien on donne un mouton? Jusqu'à 120. Maintenant, à partir de 121, on passe à combien de moutons? Deux moutons pour la zakat. Donc ici, ce que nous allons voir, c'est la parole de l'auteur du livre, qui est l'imam Shawkani, rahimahullah. Il dit, rahimahullah, « Wala yujma'u bayna muftariqin min al-an'ami, wala yufarruq بين مجتمعين خشية الصدقة. Donc on ne rassemble pas entre ceux qui sont séparés parmi les animaux. Ici il a dit parmi les animaux, car cette mas'ala concerne que la zakat sur les bestiaux. Voilà, yufarraq, et on ne sépare pas, bayna mujtami'in, entre ceux aussi qui sont rassemblés par peur de donner la zakat. Voyez. Dans le cheikh, il dit, yani, bizalika, cela veut dire, an yakuna li zaydin, que une personne qui s'appelle Zayd, il a 40 ra'san min al-ghanam. Il a 40 têtes de moutons. Wa li Amr, et Amr, il a 40 ra'san. Lui aussi, il a 40 têtes. Wa li Bakr, et Bakr aussi, 40 ra'san. Chacun d'entre eux Zeyt, il a combien? 40. Amr, il a combien? 40. Et Bakr, combien? Donc, tous les trois, ça fait combien? Ça fait 120. Wahiya mutafarriqa. Mais leurs moutons ne sont pas ensemble. Sont séparés. Ça va? Leurs moutons sont séparés. Donc, Fakulu wahin. Chacun d'entre eux, si on regarde 40, 40, 40, ils ont tous le nisab, n'est-ce pas? Toyib. Donc, waha ula alayhi shatun fi sadaqa. Kul wahid min haula. Chacun d'entre ceux-là, ils ont un mouton comme zakat. Maintenant, ils décident. Fayajma'ouna shiyahum. Ils décident de rassembler leurs moutons. Fayasiru adaduha mi'atan wa ishrin ra'san. Et maintenant, le nombre de leurs moutons devient mi'atan jusqu'à 120. Tayyib, le nombre de leurs moutons va jusqu'à 120. Donc, walmi'atu wa ishrin, alors que 120, il y a combien de moutons sur la zakat de 120 moutons? Il y a un mouton. Ça va? Fayaskutuna anfusihim shataini. Donc, ils font tomber deux moutons sur eux-mêmes. Ça va? Par exemple, on a dit les nisab des moutons ou bien des chèvres, c'est combien? 40. De 40 jusqu'à 120, c'est combien de moutons? Un mouton. Donc, comme eux se croient malins, qu'est-ce qu'ils font? Si chacun garde ses 40 moutons, ils ont tous un mouton à donner comme zakat. Donc maintenant, ils décident, comme ils veulent faire le plan avec Allah, ils décident maintenant de mettre tous ces 40-40 jusqu'à 3 qui fait 120, qui a toujours un mouton comme zakat, et ils mettent ensemble, ils donnent un mouton, et ils font tomber deux moutons sans donner. Donc c'est ce qu'est la parole de l'auteur du livre ici. Il dit wala yujma'u bayna muftariqin min al-an'am. Ça va? Donc cette manière de le faire, hadha tahayul, c'est-à-dire c'est une ruse à la shar'illah, sur la législation. Wa li hadha, c'est pour cela, naha anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Ça va? Tout ce qui est tahayul, afin de faire tomber une obligation, alors c'est interdit par la charia. Tout ce qui est tahayul. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé certaines personnes en singes et en porc, parce qu'ils ont voulu faire plan avec la charia d'Allah, les juifs. Allah leur a dit de ne pas pécher Yawma Sabt, le samedi. Il les a interdit de pécher ce jour-là. Tayyib. Maintenant, ils ont vu que si ils partaient déposer les filets le vendredi pour attraper les poissons, puisque le samedi c'est un jour de preuve pour eux. Le samedi, les poissons sortent même jusqu'à sur la rive et vont même se coucher sur la rive, c'est-à-dire au bord de l'eau. Ils voient cela. Mais Allah les a interdit de ne pas toucher les poissons le samedi. C'est une épreuve d'Allah. Maintenant, comment ils vont faire? Et ils disent, bon, on ne va pas pêcher le samedi, mais on peut aller déposer nos pièges le vendredi. Et le dimanche, on va récupérer. Est-ce qu'on a pêché le samedi? On n'a pas pêché le samedi. Donc, Hadha Tahayul, ça va, c'est riche, ruse, tromperie qu'ils ont fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah les a changés en singes, les a transformés en singes et en porcs à cause de cela. Donc, le tahayul avec shara'illah, la yajuz. وَلِهَذَا نَهَا عَنْهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. وَأَمَّا السُّورَةُ الثَّانِيَةُ. Quant à la deuxième, yani deuxième image, وَهِيَ التَّفْرِيقُ الْمُجْتَمِعُ. C'est de séparer ceux qui sont déjà ensemble. Ça va? Le premier, c'est de mettre ensemble ceux qui sont séparés pour pouvoir diminuer ce qu'on doit donner. Mais ici même, c'est de séparer ceux qui sont ensemble pour ne même pas donner. Exemple. An yakuna laka 20 shatan. Toi, tu as 20 moutons. Wali, et moi j'ai 20 moutons mujtami'atan. Nos moutons sont rassemblés. Normalement, les moutons qui sont déjà ensemble sont rassemblés. Lorsque la zakat vient, on compte ensemble. C'est compris? Donc, fatakunu zakatuha, la zakat de tes 20 moutons avec moi mes 20 moutons devient quoi? Shatun wahidatun. Un seul mouton. N'est-ce pas? Si les deux sont rassemblés. Ok? Faida farraqnaha. Mais si nous les séparons, ça va donner quel résultat? S'ils sont ensemble, ils sont 40. Et si nous les séparons, lorsque la zakat arrive, nous on les sépare. Donc, ici, je garde mes 20 moutons, toi tu gardes tes 20 moutons. Est-ce qu'il y a zakat à donner? Il n'y a pas de zakat à donner. N'est-ce pas? Wada manhijun anuhaidon. Et cela est interdit aussi. Fakamakera mushtamian. Comme les deux étaient séparés, et afin de rassembler, fala yufar khashyat as-sadaqa. On ne les sépare pas par peur de sadaqa. Wa ma kana mufarraqan. Et ceux aussi qui sont séparés, fala yujma khashyat as-sadaqa. Par peur de la sadaqa. C'est nafsu shay. Par exemple, Zayd, il a ses moutons, 40 moutons. Ozeïfa a ses moutons, 40 moutons. Zayd, il a chez lui, il garde ses moutons. Ozeïfa a ses moutons aussi, il garde ses moutons. Et maintenant, zakat arrive. Zayd a déjà le nisab, Ozeïfa aussi a le nisab. Maintenant, les deux, comme ils savent que 40-40, ça fait un mouton, ils disent, bon, au lieu de donner deux moutons, qu'est-ce qu'on fait? Et si on partait mettre nos moutons ensemble, ça fait 80. 80, c'est un mouton, on doit donner comme zakat. Donc, ils vont faire ce plan-là. Ça, c'est la première figure. La deuxième figure, moi j'ai 20 moutons. toi, tu avais un mouton. Et nos moutons sont ensemble. Vous comprenez? Nos moutons sont ensemble. Ils ne sont pas séparés. C'est-à-dire, nos moutons sont ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils font les choses ensemble. Ça va? Mais comme la zakat arrive, c'est clair que moi, mes 20 moutons, avec toi, tes 20 moutons, si on les met ensemble, on doit donner zakat. Parce que ça fait 40. Donc, dès que la zakat arrive, on décide de les séparer. Là, comme ça, moi, j'ai pas de zakat, toi, tu n'as pas de zakat. Adala yuza idon. C'est compris? Donc, وَقَدِجَا هَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي Cela vient dans l'authentique de l'imam Bukhari. Mais le hadith de Anas, qui dit, رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il dit, وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ On ne rassemble pas en deux choses qui sont séparées. Dans d'autres versions, c'est mutafarriqin. Ça va? Wala yufarraq. Et on ne sépare pas bayna mujtami'in. Entre deux aussi qui sont rassemblés. Ça va? Khashyat as-sadaqa. Pas peur de la sadaqa. Wama kana min khalitayni. Mais ceux qui sont mélanger, fayataraja bisawiya. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée pour sawiya? Fayataraja bisawiya. Qui peut me rappeler cela? Fayataraja bisawiya. Non. Non, mais pas forcément la moitié. C'est-à-dire, on va à part égale. On retourne à part égale. Par exemple, si lui, il a 20 moutons et que toi, tu as 30 moutons. C'est pas à part égale. C'est pas égal. Ça va? Il y a un qui a donné plus que l'autre. N'est-ce pas? Hein? Parce qu'il y a un, lui, son nombre est plus beaucoup que l'autre. Donc, à la coule, il y a un qui a donné. C'est-à-dire, on revient et on fait une part égale. Par exemple, si Zeyd, il a 20 moutons. Zeyd a 20 moutons. Maintenant, on veut venir prélever la zakat. On prend un mouton de Zeyd. Ça va? Alors que c'est Zeyd et puis Zeyd, c'est le mouton qui fait la zakat. N'est-ce pas? Donc, c'est Zeyd maintenant qui évalue le prix de son mouton. Et puis il dit à Ouzéifa, donne-moi la moitié du prix de mon mouton. Ça va? Là, comme ça, lui, il a 50% sur la zakat. Lui aussi, il a 50% sur la zakat. Ça va? Naam. Mafoum. Wal jumlatul akhira. La dernière phrase, c'est yatil hadith anha. Nous verrons cela bizna min kalam al-mu'allif, de la parole du mu'allif. Et wa sayati dabit al-ijtima' wa at-tafriq. Et on verra la règle de ce qu'on appelle al-mujtami' parmi les moutons ou bien les chèvres, ceux qui sont rassemblés dont on doit faire la zakat dessus, ceux qui sont considérés comme rassemblés. Maintenant, on verra aussi ceux qui sont considérés comme séparés. Ça va? Puisqu'on doit savoir, si c'est interdit de rassembler ceux qui sont séparés par peur de la sadaqa. Si c'est interdit de séparer ceux qui sont déjà rassemblés par peur de la zakat, nous on doit savoir ce qu'on appelle ceux qui sont rassemblés et ceux qui sont séparés. Voyez? Donc on va voir la règle ici, Inch'Allah. تبارك وتعالى Ça va? Ok. ولا يجمع بين مفترق من الأنعام. On ne rassemble pas entre les animaux qui sont séparés par peur de la sadaqa. C'est-à-dire, أن الخلطة ici, le mélange مؤثرة في الأنعام فقط, a seulement de l'impact sur les animaux. Ça va? لا في بقية الأموال, pas dans le reste des biens. فالأموال الأخرى, les autres biens tels que les دنانير, les dinars, les فضة, l'argent blanc, والذهب, ainsi que l'or, هذه لا علاقة لها بالاختلاط. Ceux-là n'ont pas de liaison avec l'ikhtilat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mélange dont il s'agit au sujet des animaux, les animaux sont ensemble et lorsque la zakat arrive, on doit les mettre ensemble pour donner la zakat. Ça, ça a de l'impact seulement sur les animaux. Mais quant aux autres, l'argent, même si toi et moi, on met de l'argent dans une même caisse, ça va? Moi j'ai 1 million, toi tu as 1 million. On ne met pas ensemble pour faire la zakat. Ça va? Ça c'est seulement au sujet des animaux. Ça va? Non. Wa kullu wahidin mala, chacun a son bien. Munfasilun anil akhar, qui est détaché de l'autre. C'est compris? Chacun a son bien qui est détaché de l'autre. Tayyib. Naam. Sawa'un kana mujtami'at aw mutafarriqa. Que l'argent soit rassemblé ou bien séparé. Aba. Chacun a pour lui. Al-ikhtilatu, le mélange, yu'assir فقط في الحيوانات, a de l'impact seulement sur les animaux المذكورة qui sont mentionnés. وهو الصحيح, et c'est ce qui est correct, من كلام أهل العلم, de la parole des gens de science. ودليله, et la preuve, أن الجمع والتفريق, que le rassemblement et la séparation مؤثرة, a de l'impact sur les animaux, qu'ils l'attendent, que les animaux soient peu, ou qu'ils l'attendent, mais qu'ils soient nombreux, filmashia, au sujet des animaux, là, ou la yu'assir fi ghayriha, et ça n'a pas d'impact sur autre, ou al-khaltu yu'assiru, mais le mélange a de l'impact, filmashia, dans les animaux, bin naf'i taratan, au sujet, yani bin naf'i, souvent il y a des bénéfices, ou al-dharar taratan, et souvent aussi, il y a de l'impact négatif. وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا, mais quant à autre bien, فَيُؤَسِّرُ دَائِمًا بِالضَّرَرِ, c'est le côté négatif seulement qui impacte. عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ, c'est celui qui donne yani l'argent, celui qui a l'argent. فَلَا تُعْتَبَرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ, mais on ne considère pas cela dans autre que yani les animaux. لأنها دائما مضرة, car à tout moment ça a de l'impact négatif et ça fait du tort à la صاحب المال, c'est celui qui a les biens. Ça va? Celui qui a le dinar par exemple, s'il dit viens moi et toi on va mettre ensemble pour faire la zakat, il y a un qui sera lésé. C'est compris? Il y a forcément un qui sera lésé. طيب. Non. Donc nous allons vers une autre masala qui est wala shay'a fi ma duna al-fariḍa. Il n'y a rien à donner comme zakat dans ce qui n'est pas arrivé au nisab. Fi ma duna al-fariḍa. Ce qui n'est pas arrivé au nisab, il n'y a rien à donner dans la zakat. Ça va? Wala taqulu masalan, même dans les biens, ne dis pas masalan que même 1000 francs, même 2000 francs, et la zakat a donné dessus. Parce que moi, là, ce fichier dit, j'ai déjà entendu un prêcheur qui disait cela. Il dit, les gens ne donnent pas la zakat. Il dit, même 1000 francs, il y a la zakat. Qu'est-ce que tu as dit? Un 1000 francs, had. Comment tu coules? 1000 francs. Qu'est-ce que tu as dit? Un 1000 francs. Comment tu donnes la zakat sur 1000 francs? 2000, 3000, 4000. Je parle de francs CFA. Ok? Qu'est-ce que tu as dit? Alors ici, si Al-Amwal, l'Auraq, Al-Naqdiya, Al-Zahab, Al-Fidda, nous allons voir la mesure. Comment on calcule le Nisab sur l'argent? C'est compris? Comment on calcule le Nisab sur l'argent? Tant que ton argent n'atteint pas le Nisab, et la condition est que l'argent atteigne le Nisab, tu commences à compter. Jusqu'à ce que Yahoulou alayhil haoul, l'année passe sur cet argent, sans que l'argent ne diminue, alors, tu donnes la zakat. Mais tu ne fais pas de plan. Ça va? Wada aydon, badun nas yatahayaloun. Ils font plan. Quand l'argent arrive, peut-être il doit donner la zakat le mois de Muharram. Et à partir du mois de Zulqa'da, il prend l'argent et il commence à dépenser pour ne pas donner la zakat. Voilà ta khayoula il donne. On va voir cela. Sauf si tu es réellement dans le besoin de dépenser sans que tu n'as pris l'intention pour fuir la zakat. Ça va? Mais si l'intention c'est de fuir la zakat, c'est pas permis aussi. C'est compris? Naam. Hada tahayul, et c'est ce tahayul qui est muharram, qui est interdit. Donc ici, les biens qui n'ont pas atteint le nisab, il n'y a pas de zakat. L'argent, si ça n'atteint pas le nisab, ça n'a pas de zakat. On va voir sur quoi on calcule le nisab de Al-Awraq Al-Naqdiya. C'est-à-dire des billets et autres. Sur quoi on calcule le nisab. Et si tu prends cela, dans ton balade, tu multiplies par ce qui a été donné comme mesure, tu trouves le nisab. Et si ça atteint cela, comment devons-nous calculer? Ça va? Comment devons-nous calculer? Alors, on va donner tout cela. Mais tant que les biens n'ont pas atteint le nisab et n'a pas aussi fait l'année, il n'y a pas de zakat. Ça va? N'a pas atteint l'année. Parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas. Ils se disent donc que si l'année, la nouvelle année vient te trouver, par exemple, moi, je suis dans le mois de Zulhijjah. Par exemple. Et je sais que chez nous, dans la charia, le nouveau mois de l'année, c'est quel mois? Le premier mois? Muharram. Bon, dans Zulhijja, moi, j'ai rassemblé peut-être 10 millions. J'ai eu 10 millions, un coup. Est-ce que je donne la zakat dans Muharram? Il y a d'autres qui n'ont pas compris qu'ils donnent la zakat dans Muharram. Ça va? Mais ils n'ont pas compris. S'ils avaient compris qu'ils ont décidé de donner avant la date, on a dit que ça c'est une bonne chose. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, fi madun an-nisab, ce qui est en dessous du nisab, ay ma huwa aqallu min an-nisab, ce qui est moins, yani qui est en dessous, la shay'a fi, il n'y a rien dedans, dessus comme zakat. C'est de l'ignorance de dire aux gens que sur 1000 francs, sur 2000, sur 3000, sur 4000 francs CFA ou même sur 5000, il y a la zakat à donner. Ça va? Si c'est 4000 atteint le nisab, mais pas, c'est très loin. Ça va? Ou bien ça peut atteindre? Yumkin? Aïwa. Donc, Allah nous aide. وقد ذكرنا أن الإبل on a mentionné que les chameaux, les nisobs, c'est combien? 5 chameaux. Si 5 chameaux, on donne combien? Un mouton. Fayib. Faïda malaka shars. Si quelqu'un a arba'an min al ibil, 4 chameaux, ou akal, ou bien moins que cela. Il a zakat? 4. Il a zakat? Fala shay ali. Il n'a rien à donner. Ça va? Wa amma al baqar. On a dit son nisab, c'est combien? 30. 30 vaches, ou 30 bœufs, ou 30 buffles. Ça va? Maintenant, si les buffles sont mélangés, on les compte avec les vaches. Ok? Car c'est la même chose. Donc, faïza malaka shars. Si quelqu'un détient tis'an wa ishrina, il détient 29. Ou akal, ou bien moins que cela. Est-ce qu'il a zakat? Fala shay alayhi. Il n'a pas de zakat à donner. Wa amma nisab al-ghanam. Quant au nisab des moutons et des chèvres, on a dit combien? 40. Fayib. Donc, si quelqu'un détient tis'an wa salasin, il détient 39. Ou bien moins que 39. Est-ce qu'il a zakat à donner? Ah, fala shay'a alayhi, fala shay'a fiha. Il n'y a rien à donner dans cela. Qawluhu. Donc, on a très bien compris cette partie. Ça va? On a très bien compris. Wala fil awqas. Il n'y a pas aussi des zakat à donner dans les awqas. C'est-à-dire, wala shay fi ma bayna faridatayn. Il n'y a rien entre ce qui est entre deux obligations. Et on a donné l'exemple ici. On a dit, les chameaux. Le nisab, c'est combien de chameaux? 5 chameaux. Donc, entre 5 et 10, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Rien. On a dit un mouton pour 5 chameaux. Donc, si tu as 6 chameaux, tu donnes toujours un mouton. 7 chameaux, tu donnes toujours. 8 chameaux, tu donnes toujours. Jusqu'à 9 chameaux, tu donnes un mouton. Ça peut être des 10 chameaux, hein, que tu donnes 2 moutons. Donc, à partir des 5 jusqu'à 9, ça va? Le nombre qui est entre ces deux-là, c'est ce qu'on appelle awqas. Ça va? On a dit, les nisab des moutons, c'est combien? 40. Et on donne combien de moutons à partir des 40? Un mouton. C'est pas ça? Jusqu'à 120. Ça va? Disons même 121. C'est 121, on passe à deux moutons. Ok, à partir de 40, tous les nombres qui sont entre 40 jusqu'à 120, on appelle cela awqas. Il n'y a rien à donner. Ça va? Wal awqas jam'u waqas wa asluhu fil lugha qisarun fil unuq. Ça va? Dans la langue arabe, c'est qisarun, qisarun fil unuqi. Qisar yani un raccourcissement au niveau de al-unuq, la gorge. Wa summiya waqas zakat li naqsihi an zakat. Ça a été nommé waqas parce que ça diminue, yani ça n'arrive pas à un farida. Li'annahu la yasilu ila nisab, parce que ça n'arrive pas à un autre nisab. C'est compris? Fil ibli masalan, dans le chameau par exemple. Min khamsin wa ishirina ila khamsin wa salasina bint makhad. Ça va? À partir de 25 jusqu'à 35. On donne toujours bint makhad. Bint makhad, c'est une chamelle de 1 an. Ou ibn laboun. Ou bien un chameau de 2 ans. Donc, entre 25 jusqu'à 35, c'est ce qui est là. Ça va? Amma man malaka. Quant à celui qui détient, par exemple, 26, 27, jusqu'à 35, il doit donner combien? Toujours la même chose. Hein? Jusqu'à 34, oui. Il doit toujours donner combien? Hein? C'est la même chose. De 25 jusqu'à 34, il donne toujours la même chose. Donc, à partir de 25, il a bintou mahad à donner, ou bien ibnou laboun. Ok. S'il a cela à donner, le nombre qui est compris entre 25 jusqu'à 35, c'est-à-dire 34, il donne toujours la même chose. Ça va? Donc, ce nombre qui est compris là, c'est ce qu'on appelle awqas. C'est compris? C'est ce qu'on appelle awqas. Donc, il n'a rien à donner. Falashi afi siwa mataqaddam. Il n'a rien à donner en dehors de ce qui a précédé. Fatusamma awqasan. On appelle cela awqas. Wa yukhruju kama yukhruju min man malaka khamsan wa ishirina. On donne comme celui qui détient 25. 26, 27, 28, 29. Si la personne arrive jusqu'à 34, on ne peut pas dire parce qu'il a 34 qu'on va juste augmenter pour lui. Parce que lui qui a 25, lui donne bintou mahad ou ibn laboun. Et lui qui a 34, c'est quand même beaucoup. Donc ce nombre qui est là, c'est ce nombre-là qu'on appelle awqas. Li'annaha ja'at bayna faridatul oula. Quand c'est venu entre la première obligation, qui est le premier nisab, qui est Khamswa Ishurun, 25, Walfaridatu Saniya, et la deuxième obligation qui est Situn wa Salasun. Ça va? Jusqu'à 16. Ici, normalement, c'est Situn wa Salasun. On avait dit 34, non? C'est jusqu'à 35. À partir de 36, que ça devient. Ça va? Wa hadha ma yadullu alayhi hadith Anas. C'est ce que montre le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. C'est compris le sens de awqas. On a compris? As-salallahu alayhi wa sallam. Qala al-mu'allif rahimahullah. L'auteur du livre dit encore wa ma kana min khaliqayn. Ce qui est des deux mélanges, fayataraja'ani bisawiyya. Ça va? On va voir le sens de cela. Le hadith est Anas fi Sahih Bukhari. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wa ma kana min khalitayn fayataraja'a bisawiyya. On revient au sawiyya. Ma mana sawiyya? Masalan. S'il y a deux mélanges, on revient au sawiyya dans la zakat. Masalan, par exemple, moi et toi, nous avons 40 têtes de moutons qui sont mélangées. Alors celui qui prend les zakat a mis le sadaqa, parce que si nous sommes dans un pays, normalement un pays musulman, il y a le ummal, ça va, et sadaqa. C'est cela qu'Allah dit, wal amiluna alayha. Ceux qui travaillent dans la zakat. Il vient pour récupérer la zakat. Ça va? Et la zakat, c'est une obligation. Ça va? C'est pas une question de dire, je veux, je donne. Si dans un pays musulman, on vient, on le prend. Si tu veux le donner, alhamdulillah. Si tu veux pas le donner aussi, on vient, on le prend qahran. On le prend de façon obligatoire. Ça va? Que tu veux ou pas. C'est haqqullah. Wa haqqullah ahaq wa yuqda. Le droit d'Allah doit être donné. Ceux qui refusent aussi de donner la zakat ont les corrige. et on les demande de donner de façon obligatoire. Ça va? Non. Voilà, nous préserve. Donc, si moi et toi, par exemple, nous avons 40 têtes de moutons mélangées, alors celui qui veut venir, celui qui vient prendre la zakat, il est venu, il a pris de ces moutons, de ces 40 moutons qui sont mélangés, il a pris un mouton. Et normalement, la zakat de 40 moutons, c'est combien? Un mouton. Voyez, zakat ou nisab, le ranam. C'est la zakat du nisab, du quota des moutons. Farishat al-Mahouza, ce mouton qui a été pris. Zakatan. La zakat, le nisab, parce que ça atteint le quota. Tour savoir la man. On compte c'est qui? Toi, tu as 20, moi j'ai 20. Ou bien toi, tu as 30, moi j'ai. Toi, tu as 30, moi j'ai 10. On compte sur qui? Tu n'as pas dit, moi j'ai 10 seulement, moi j'ai pas de zakat. Tant qu'ils sont moches, t'as mis à temps, on les compte ensemble. Donc, on a pris mouton de qui? C'est ça? Si on a pris mouton de celui qui a 30 moutons, on a pris un de ces moutons. Ça va? Lui reçoit quelle partie? Puisqu'on on considère que on divise les moutons par 4. Lui, il a pris 3 quarts. C'est ça, non? Et l'autre, là, récupère un quart. Donc, normalement, si c'est lui son mouton qu'ils ont pris, lui donne le mouton, le prix du mouton, on divise par 4. Et puis, celui qui a 10 moutons paye une partie. Ça va? C'est compris? Non. Non. Oui, son mouchtamia. Donc, ce qu'on fait, on prend le prix du mouton, on divise par 5. L'autre qui a 10 moutons, là, il paye 1. Même si celui qui a 40 moutons, lui gagne. Parce que lui, pour lui, avait déjà atteint le nisab. Mais tant que les moutons sont rassemblés, on fait la zakat ensemble. L'autre qui a 10 moutons, il ne va pas dire, mon ami, moi, c'est que moi, mes moutons là, c'est 10. Moutons là, c'est 40. Donc, il faut faire la zakat. Tu as compris? Moi, pour moi, n'a pas encore atteint. Voilà, yufarraq baina al-mushtami'in khashyata as-sadaqa. Qu'Allah nous préserve. Tayyib. Donc, al-jawab, la réponse, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qala fi hada, il a dit à ce sujet, falyataraja'a bis-sawiyya. Ça va? Et on a vu, ay yadfa kul wahidin samanu shat. Chacun paye bi nisbati lati alayhi, selon ce qu'il a comme mouton. Falaw kana kul wahid minna yamliku 20 shatan, si chacun d'entre nous détient 20 moutons, fala kul minna nisu samani ashat. Chacun d'entre nous a la moitié du prix d'un mouton. Si toi tu détiens les 3/3, ça va? Et moi je détiens 1/3. Toi tu as 3/3 du prix d'un mouton. Et moi j'ai 1/3. Ça va? Si on divise par 3. Non. L'Ishkal. Sauf si on prend un pour lui, toi tu lui donnes la différence. Comme vous avez calculé. Si on prend un pour toi, lui te donne la différence. Voyez, Namla Ishkal. Mais tant que vos moutons sont ensemble. Donc on va voir ici maintenant. Est-ce que vous avez compris cette masala? Montoyib, je vous donne un exercice. Vous êtes prêts? Hein? Ok. Moi j'ai 50 moutons. Zéd lui là, 2 moutons. 2 seulement. Et puis on met tous nos moutons ensemble. Et puis on donne zakat. Mais on prend dans moi mon mouton. Zéd doit payer combien? Il doit me rembourser combien? Si on revient au Saouya. Hein? Est-ce que c'est 2%? Par exemple, on met les moutons ensemble, on considère que c'est mis abîmé, on fait 100%. Ça va? Et maintenant, les moutons font 52 moutons. Ok? 52 moutons. Maintenant, ils ont pris dans pour moi. Mia Bilmia, lui, il a 2 moutons seulement. Combien lui doit donner? Hein? 2%. Pourquoi 2%? Pourquoi pas 1%? Hein? Pourquoi pas 1%? Non. Hein? Non. Si on va là-bas des pourcentages. Non. Si c'est 50, je crois que c'est. Lui, l'autre, il a 50. Lui, il a 2. Oui. Il doit rien payer. Pourquoi? Non, quelqu'un a soulevé la main. Non, Soro ou bien Taufik, je vous écoute. Wa alaykoum salam. Bon, pour moi, il va donner un tiers ou un tout petit mouton, parce que au niveau des 52 moutons là, on donne 15 moutons, donc si on partage, il va donner 15 tiers. Un seul tiers. C'est-à-dire, on divise le prix du mouton par 3. Et lui donne un seul tiers. Vous êtes d'accord? Hein? Non. Taufik. Non. Ouais. Non. Non. C'est-à-dire, on fait le prix, on divise par combien? Hein? Hein? Taïeb. Taufik. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Oui, on t'écoute. Donc, il faut répondre à notre question maintenant. T'es en train de fuir. Hein? Bon, la question est, moi j'ai 52 moutons, toi tu as 2 moutons. On vient prendre la zakat sur moi, c'est-à-dire sur les 52. Moi j'ai 50, toi tu as 2. Maintenant, puisque c'est moi, mon mouton, ils ont pris, toi tu dois me donner combien comme différence? Il y a un qui a 2 moutons et l'autre a 50. Mais les deux sont mélangés. Non, toi, ici, tu m'entends? Oui, non. Ok. Ici, le dorbit, c'est très simple. Puisque l'autre, il a 50, l'autre, il a 2. Voyez, on calcule le prix d'un mouton. Ça va? Et de cela, on divise en 52. Ça va? On divise en 52. Et lui prend 2 parties de 52. Par exemple, on a un mouton qui fait 20 000, par exemple. Le mouton qu'ils ont pris chez l'autre, ça fait 20 000. Ça va? Hein? Bon, c'est un exemple. Ok, bon, disons un mouton 100 000. Ça va? On évalue le prix du mouton à 100 000. OK? Maintenant, ces 100 000 là, on divise par 52. C'est compris? Puisqu'il y a 52 moutons. Maintenant, le résultat que ça va donner, on multiplie par 2. Puisque lui, il a 2 moutons dans les 52. C'est compris maintenant? Hein? Hein? Ça devient 2%. Ok. Ça y est. Non. Donc, c'est compris maintenant? Hein? Je vous ai donné un exercice. Vous avez tourné. Hein? Qu'Allah facilite. Ma wa dhabitul mujtami' wal mutafarriq. Quelle est la règle de al mujtami' wal mutafarriq? Quelle est la règle? C'est-à-dire, quelle est la règle qui montre les moutons rassemblés qu'on ne doit pas séparer et les moutons séparés qu'on ne doit pas rassembler? Parce que l'auteur du livre, il a dit, faut te lever là-bas. L'auteur du livre, il a dit quoi? Il a dit, voilà, yujma bayna mutafarrikin khashiyata min al-an'ami wala yufarraq bayna mujtami'in. Quelle est la règle? Alors, ishma ici, c'est nawan. Il y a le ishma ayan. Ayan, c'est-à-dire des entités. C'est-à-dire des moutons eux-mêmes, ou ishma ausof. Et ishma ausof, c'est-à-dire de description. Ayan et ausof, quelle est la différence? Le ayan, c'est al-ishtirak. Rassembler les deux bitamal luk fi ayan et bahimat al-anam dans la détention des ayan, des entités parmi les animaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ces animaux là se rassemblent fala yutamayyuz, yani on ne peut pas différencier milku ahaduma anil akhar, la détention de l'autre de l'autre. On n'arrive pas à différencier. Ça va? Mais on sait que telle personne a 10 moutons, telle personne a 10 moutons. Mais on ne peut pas montrer les moutons de celui-là pour dire voici mouton de celui-là. C'est ce qu'est Eshimaul Ayan. Ashtariku Ana. On se rassemble moi, wa anta, et toi, fi arba'i nashatan. Dans 40 moutons. Fala tatamayaz shiyahi an shiyahika. On n'arrive pas à différencier entre mes moutons et tes moutons. Wada ishtiraku shuyu la tatamayaz fihi. Ishtiraku shuyu, c'est-à-dire shuyu, c'est les parties égaux. Mais on n'arrive pas à connaître la différence entre les deux parties. Hiya arbauna shatan li walak. C'est 40 moutons pour moi et pour toi. Nous deux. Ça va? Walaysa fiha, mais il n'y a pas dans ces moutons-là, en tamlika shatal hamra. Que toi tu détiens un mouton qui est rouge, masalan, lak, et moi, al baydha li. Moi j'ai des moutons qui sont blancs. Balkulluha, mais tous les moutons liés à moi, walak et à toi. Fada ishimaou ayan. C'est ça qu'on appelle le rassemblement de ayan. C'est-à-dire, c'est entité, ensemble. On n'arrive pas à connaître la différence. Ça va? Wal hadith. Wayahdous et cela arrive fi halat il miras. Dans les situations de d'héritage. Masalan, par exemple, Mata Rajul, un homme est décédé. Tayyib, Wataraka Waladein. Il a laissé deux enfants, Zakaraïn, deux garçons. Waindahu Arbaouna Rasan Minashia. Et lui, il avait 40 moutons. Il a laissé deux enfants garçons. On sait déjà que dans l'héritage, les garçons ont des parts égales. C'est ça? Fal awwal ishirin, le premier a 20 moutons, walisani ishirin. Ça va? Le deuxième a 20 moutons. Lakinna ghayr mutamayyiza. Mais on ne connaît pas la différence. Ça va? Wa mal ishima asani, quant au deuxième rassemblement. Wa huwa ishima al awsaf. Ça va? C'est le schéma connaissant les descriptions. Ça va? Watakunu shia fiha mutamayiza. Les moutons sont connus. C'est-à-dire la différence des moutons est connue. Fa ana wa anta mushtarikun. Nous deux, on se rassemble. Lakin shia haka. Lakin na shia haka. Mais tes moutons ma'rufa sont connus. Laha awsaf, tes moutons ont des descriptions, ma'louma, qui sont connus. Wa shiyahi, et moi mes moutons, ma'roufa. Laha awsaf, mes moutons sont connus, ils ont des descriptions. Wa alamat, ma'louma, et ces signes sont connus. Fa inishtama'at hazil ashiya, si ces moutons sont rassemblés. Alati jaa an-nahyu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tafriq. Donc c'est ce dont l'interdiction est venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de les séparer, al-mujtami' wa tajmi' muftariq fiha, et rassembler ceux qui sont séparés. Fama huwa dhabitul ijtima'. Quelle est la règle du rassemblement des moutons qu'on ne doit pas séparer? Alladhi tu'addu bihi mujtami'atan, ce qu'on considère comme rassemblé, ou tu'addu mutafarriqan, ou ce qu'on considère comme séparé. Mais bi nisbati l'ishmal ayan, quant au premier dont on a dit, on n'arrive pas à connaître la différence, fala ishkalafi. Il n'y a pas de ishkal. Li'anna ghayr mutamayyiza aslan, parce qu'on ne peut pas les différencier aslan. Est-ce que ça, on peut dire, on les sépare pour donner la zakat, parce qu'on n'arrive pas à connaître les différences. Donc, ceux-là, il n'y en a pas d'ishkal là-bas, parce que ceux-là, quand la zakat arrive, on enlève, c'est tout. Ça va? Voyez. Maintenant, après, lorsque on va vouloir partager à ses enfants, ou bien l'héritage qu'on va vouloir partager, on va le donner à part égale. C'est compris? Non. Mais, Binisbati lakin al ishkal. Mais le problème, c'est effectivement al ausof. C'est ceux dont les descriptions sont connues. Ça va? Mata tu'addu mujtami'atan. Quand est-ce qu'on considère rassemblé? Wa mata tu'addu mutafarriqan. Et quand est-ce qu'on considère comme séparé? Qala ahlul 'ilm. Les savants disent, idha ishtarakat fi ashiya'in. Si c'est rassemblé au sujet de certaines choses, tu'tabaru mujtami'atan. On les considère comme rassemblés. Fama hiya hadhihi al-ashiya. Quelles sont ces choses-là? Hein? Alors, ils vont venir avec au moins six choses. Non. Six choses. Non. Fil murahi, ça c'est s'ils dorment ensemble. Wa ma'waha leilan. Ils dorment ensemble. Fa in kana tawila makanin wahid. S'ils dorment dans un seul endroit, takunu ishtarakat. Donc, ces moutons se sont rassemblés fil murah. Dans le lieu où ils dorment. Comme on peut dire dans l'enclos où ils sont. Ça va? Ensuite, deuxièmement, fil masra. Ça va, s'ils mangent ensemble. Wa huwa al-murta alladhi tur'a fi. C'est l'endroit où, yani, on les fait manger. Ça va? Ensuite, troisièmement, fil mahlab. Fil mahlab. Yani, wa huwa al-mawdu alladhi tuhlabu fi. C'est l'endroit où ils prennent, c'est-à-dire, ils boivent du lait ou bien ils têtent. Ils prennent le lait. Ça va? Quatrièmement, fil, mashrab. L'endroit où ils boivent ensemble. On voit makan shurba. C'est-à-dire, c'est l'endroit où ils boivent. Bi antastaki bi ma'in wahid. C'est-à-dire, ils boivent la même eau, nahrun, que ce soit rivière, ou aïnun, ou source, ou bi'run, ou bien puits. Au haudun ou bassin, au rezalek. S'ils boivent ensemble. Aïdon, cinquièmement. Non, cinquièmement d'abord. Ça, c'est le sixième. Fil. Fahli. Al-Fahl. Al-Fahl, c'est quoi? Ou al-Zakar ou les Yujamir? Si eux. C'est-à-dire, fil-fahli. S'ils sont rassemblés, fil-fahli. C'est-à-dire, le même mâle est considéré comme leur papa. Ça va? C'est-à-dire, par exemple, ils sont beaucoup, et puis il y a un seul mâle ou même deux mâles, si ils sont considérés comme, même si c'est pas les moutons, par exemple, moi j'ai une femelle, toi tu es un mâle. Ton mâle vient monter sur ma femelle, et elle a un enfant. Cet enfant-là, c'est pas pour toi, même si c'est ton mâle qui est monté. Hein? Ça va? Donc, s'ils sont rassemblés, dans ce cas-là, ils sont mujtamia. Sixièmement, furra'i. Le berger. Ça va? Si c'est le même berger qui les garde, ils sont considérés comme mujtamiatan. Fa'idha shtarakat fi hadhihi al-awsaf. S'ils sont rassemblés dans ces descriptions, à cita, six descriptions, كانت هذه الأنعام, c'est que ces animaux, مجتمعتان, ils sont rassemblés, لا يجوز تفريقها. Ce n'est pas permis de les séparer. C'est compris? وهذه الأشياء التي, voici les choses, ذكرت فيها, qui ont été mentionnées, فيها تخفيف. Aleti zukirat fiha takhfif, il y a l'allègement, ça va, mu'natan, c'est-à-dire au niveau de la nourriture, à la torafain, sur les deux groupes. C'est compris? Lizalika, c'est pour cela, et tubiratin dal jami'i wa tafriq. C'est pour cela qu'on les considère dans le rassemblement et la séparation. Parce que, s'ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble, c'est-à-dire les deux côtés. Les deux qui détiennent, il y a une facilité dans la nourriture qu'on les donne. Ça va? Parce qu'ils sont ensemble. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi ma fiha, et les savants divergent au sujet de ces six-là, de ces six descriptions qui ont été données ici, dont on considère qu'ils sont rassemblés à travers ces descriptions. فبعضهم اشترطوا بعضها دون بعض. Il y a d'autres qui ont conditionné certains de ces six conditions en délaissant d'autres. وخالفه آخرون. Et d'autres même ont contredit carrément. فزادوا عليه. Ils ont augmenté certaines conditions pour dépasser encore ces six. Et d'autres aussi وناقصوا. Ils ont diminué ces six conditions. على كل حال ici يرجع on retourne à ce qui est considéré réellement comme rassemblé. Et ceux qui gardent les moutons, ceux qui ont les moutons, ils savent. Ou bien qui ont les bœufs, ils savent. Parce que la réalité, ils sont ensemble. Depuis, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble. Donc ils sont considérés comme étant ensemble. Même quand tu les sépares, tu vois que ils vont se remettre encore ensemble. Ceux qui gardent les moutons, ils connaissent cela. Les moutons qui sont habitués ensemble, même quand celui-là va venir récupérer ses moutons, il va aller chez lui, ils vont revenir à la case départ. Parce qu'ils sont ensemble. Ça va? Donc quand c'est considéré comme ils sont ensemble, alors lorsque la zakat arrive, il n'est pas permis de les séparer. C'est compris? Nasallallahu ala afiyata wa salama. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous guider sans fin sur son droit chemin. Donc on va s'arrêter ici. Et la semaine prochaine, nous allons continuer là où on devait commencer aujourd'hui. Ça va? Voilà, on va voir ce qu'on ne prend pas en zakat. Ça va? Voilà, harimatun. Harimatun, c'est al-kabira. C'est l'animal qui a tellement vieilli, jusqu'à ses dents même sont tombés. Bon, c'est ça, toi, tu vas prendre, vous donner un zakat. Hein? Zatu awar. Et l'animal aussi, qui a, yani aura. Hein? Qui a un seul, hein? Non. Ici, c'est, non, qui a un seul œil. Ça va? Qui est aura. Qui a un défaut. Ou bien, toi, tu trouves que la zakat, comme on dit, chat, à sourire, le mouton qui est né aujourd'hui là, tu veux prendre ça pour donner la zakat. Hein? Le ami de zakat, il vient, il dit, bon, je suis venu récupérer la zakat. Il dit, attends, il y a un petit mouton qui est né aujourd'hui. Hein? Non, c'est lui-même il choisit selon les principes. Mais toi aussi, tu peux lui montrer ce qu'il peut prendre. Ça va si ça n'a pas de défauts. Si ça n'a pas ces défauts que nous allons mentionner, Inch'Allah. Si ça n'a pas ces défauts, alors là, Ishkal. Mais aussi, tu dois te préserver de prendre les plus précieux de leurs biens. Ça va? Comme Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit à Moaz. Il a dit à Moaz, qu'est-ce qu'il a dit à Moaz? Il dit wa iyyaka wa karaima amwalihim wa taqidawat al-mazlum. طيب. Non, donc faut pas prendre les karaim de leurs biens. Tu vas trouver karima parmi ses biens, tu dis non, que c'est ça là toi tu veux comme zakat. Non, tu fais pas cela. Tu prends pas ce qui est karima, ce qui est plus précieux, tu prends pas aussi ce qui est vil. Hein, tu prends filwasat. Ça va? Naam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Et tu vas pas aussi prendre le mâle. Comme on a dit. Tu vas trouver dans ces moutons, il y a un mâle ou bien deux mâles. Qui permettent à ce que les autres se reproduisent. Et toi, tu vas prendre le mâle. Hein? Azama et Jouz. Donc on va voir les descriptions dont on ne doit pas prendre la zakat dedans la semaine prochaine inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.